13 mars 2018. Mon nom est Louis Martinguet. Bienvenue à Basecall. Bonjour et bienvenue à ce premier Basecall de l'année 2018. Basecall, un podcast en français qui se veut faire le tour un peu de tous les sujets qui touchent de près ou parfois même de loin à ce sport national des Américains, le baseball. Nous allons avoir pendant cette année des diffusions bimensuelles, donc à chaque 2 semaines, et je vais te garder le rythme, je l'espère, jusqu'à la fin de la saison et la Série mondiale. Dans les présentations de Basecall, nous allons faire le tour de la majorité des équipes de la Ligue majeure de baseball. Nous allons aussi regarder quels sont les joueurs à surveiller, quelles sont les grandes performances, parfois quelques petits passages historiques et surtout, pour les amateurs de poule, des propositions et des considérations pour être capable de manager, de gérer plutôt, votre poule correctement. Cette année, eh bien, je vous propose tout d'abord de commencer par un premier segment qui fera le tour à peu près de toutes les équipes de la Ligue américaine de baseball. Nous verrons la Ligue nationale lors de notre prochaine diffusion. Par la suite, eh bien, je vous proposerai quelques joueurs à surveiller dans la Ligue américaine, évidemment si vous avez un pool à préparer ou tout simplement pour pouvoir suivre leur succès lors de la saison 2018. Regardons donc les forces en puissance dans la Ligue américaine. En regardant les équipes par ordre alphabétique, nous avons tout d'abord les Orioles de Baltimore, qui, année après année, nous offre une équipe vraiment faite en puissance avec des gros cogneurs qui sont habitués justement à faire les longues distances dans le Camden Yard, qui est vraiment propice à ce genre de claque-là, des coups de plus d'un but en général. Les artisans Mark Trumbo, Chris Davis, les Adam Jones et évidemment les Jonathan Schoop nous ont habitués à ce genre de spectacle-là. Et Manny Machado, qui est sans contredit probablement le joueur le plus talentueux de cette équipe, un des meilleurs troisième buts de toutes les ligues majeures, eh bien, devrait probablement poursuivre sur une lancée qui l'amène à être un des joueurs les plus importants. Il n'a pas offert une performance au-delà des attentes l'année dernière. Il a même joué un peu en deçà des attentes. Mais cette année, je crois qu'il sera capable de ne pas nécessairement rebondir, mais de revenir à ses standards habituels. Il y a le jeune, ou en tout cas le récent joueur, Trey Mancini, qui l'an passé a fait une belle saison en tant que recrue. Il aurait probablement emporté haut la main le titre si ça n'avait pas été du gros cogneur des Yankees de New York, Aaron Judge. Au Monticule, on nous offre la même chose qu'à l'habitude, c'est-à-dire des jeunes très prometteurs et un mix de lanceurs qu'on n'avait pas vu venir nécessairement. Les gros morceaux seront évidemment Dylan Bundy et Kevin Gausman qui sont là depuis un tout petit bout. Dans le cas de Bundy, c'est un peu plus récent, mais ses succès en première moitié de saison l'an passé nous donne à espérer qu'il pourra devenir l'as du club. Du côté de Kevin Gausman, on a des très bons lancers. On est capable de faire mal paraître les frappeurs pendant les 2 premières manches, mais il est très difficile de passer la 5e dans son cas. Et même s'il est appuyé par beaucoup de points, comme le font souvent les Orioles de Baltimore, eh bien, il a un peu de difficulté à aller chercher ses victoires. Du côté des lanceurs de relève, on a le plus récent stoppeur, Brad Brack, qui a fait des superbes années en tant que lanceur de relève pour préparer la table. Et maintenant, il aura la responsabilité de fermer les matchs, quand même une responsabilité qui n'est pas si simple dans un stade comme celui de Baltimore. Je vois un peu les Orioles se placer peut-être au dernier ou avant-dernier rang de l'Est. Évidemment, ils ne pourront pas tenir tête aux Yankees et aux Red Sox. Ça, c'est assez évident. Regardons maintenant du côté des Red Sox de Boston qui ont encore une grosse équipe cette année avec leurs joueurs qu'ils ont développés eux-mêmes, une belle ligne de centre et aussi l'ajout de J.D. Martinez, un frappeur de puissance qui n'a presque pas d'égal, du moins en tout cas il va faire sûrement des ravages du côté du Fenway Park. Les lanceurs sont quand même assez solides, même si on peut questionner ce que David Price pourra faire cette année. Je crois que Boston voguera allègrement vers les séries, probablement avec une capacité de finir premier et peut-être évidemment deuxième si les Yankees leur font la vie dure. Du côté des White Sox de Chicago, eh bien, nous allons regarder les jeunes qui sont arrivés entre autres dans l'échange de Chris Sale précédemment. Le vétéran José Abreu, qui sera toujours très important dans l'alignement de cette équipe-là, et les jeunes au champ extérieur, soit les deux Garcia, même peut-être les trois Garcia encore cette année, je ne sais pas si on nous fera le coup, mais plus précisément, Avisaíl Garcia, qui lui a débloqué l'année passée et nous a offert une vraie performance, celle qu'on attendait depuis très longtemps. On pourrait le qualifier un peu de late bloomer, mais il pourrait répéter cette année au moins des exploits approximativement similaires sans nécessairement finir dans le top 10 des meilleurs frappeurs de la Ligue américaine pour la moyenne. Lorsqu'on veut aller au monticule du côté des White Sox, c'est un peu plus compliqué. On sait que James Shields a un peu tout laissé derrière lui. Il n'a plus grand-chose à nous offrir. Mais bon, il va peut-être encore lancer plus de 150 manches cette année. Les nouveaux, Reynaldo Lopez et Lucas Giolito, nous permettront de voir leur talent qui est très prometteur. Mais ce ne sera pas suffisant pour permettre à Chicago de terminer bien loin des bas-fonds de la centrale de la Ligue américaine. Du côté de leurs rivaux, les Indiens de Cleveland, eh ben, on a une équipe taillée exprès pour les séries et peut-être même la série mondiale. C'est ce qu'on espère du moins à Cleveland. On a des gens qui sont peut-être un peu douteux au champ extérieur. Les promesses évidemment de Bradley Zimmer et performance approximative de Lonnie Chisenhall, de Brendan Geyer et du retour en force, j'espère, de Dr. Smooth, Michael Brantley. Au monticule, les Indiens feront appel aux meilleurs lanceurs des ligues majeures, du moins cette année et l'année dernière, Corey Kluber, et aussi de superbes partants comme Carlos Carrasco, Trevor Bauer. Et on verra ce qui sera fait avec Danny Salazar, qui a une rapide exceptionnelle, mais qui a beaucoup de difficultés à lancer plus de 3 ou 4 manches. Les Indiens termineront sans trop forcer au premier rang de leur division et espérons qu'ils tiendront le coup cette fois-ci en série si notre ami Terry Francona ne tente pas toutes sortes d'entourloupettes et de jeux un peu approximatifs pour montrer qu'il est un grand gérant. Il n'aura qu'à gérer tout simplement et son équipe fera le travail. En ce qui concerne les Tigres de Détroit, nous avons une équipe encore très pathétique cette année. Lorsqu'on voit le retour de joueurs comme Leonis Martin, eh ben, on voit qu'on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent cette année. Miguel Cabrera, qui a été le pilier de cette équipe pendant plusieurs années, est maintenant au ralenti. Je crois qu'il est sur les vapeurs. Et Victor Martinez ne peut tout simplement plus jouer au baseball. Nick Castellanos est le seul, je dirais, brin de soleil dans cette équipe-là. Il nous montrera encore qu'il est un joueur d'exception, mais malheureusement, il ne sera pas appuyé par grand monde. On pourra voir toutes sortes de jeunes quand même à Détroit, et certains peut-être feront leur place dans les grandes ligues pour l'an prochain. C'est une équipe qui n'est pas vraiment à surveiller, autant du côté de ses partants que du côté de ses joueurs de position. Ils termineront probablement dernier, si ce n'est que la médiocrité des White Sox de Chicago ou peut-être même des Royals de Kansas City leur permettront de ne pas finir dans les bas-fonds lors de la saison 2018. Maintenant, la plus belle équipe du baseball majeur, sans aucun doute, les champions, les Astros de Houston, une organisation et une équipe par excellence qui est probablement un modèle pour toutes les autres équipes des ligues majeures. Ils ont réussi au fil des années à faire de superbes repêchages ainsi qu'à développer leurs joueurs et à aller chercher des vétérans ici et là. On pense à Brian McCann, à Yuli Gurriel et à Josh Reddick qui, sans être fabuleux ou disons exceptionnels, ramènent les balles du champ extérieur dans le champ droit de façon extraordinaire. C'est beau de le voir jouer en défensive, Josh Reddick. Sinon, au monticule, on a augmenté, croyez-le ou non, notre potentiel cette année en gardant Justin Verlander pour toute la saison et en ajoutant un petit prodige de Pittsburgh, Gerrit Cole, qui, en changeant peut-être d'air, pourra revenir à ses performances passées, lui qui possède une des meilleures balles rapides du baseball majeur. Évidemment, l'ancien récipiendaire du trophée Cy Young, Dallas Keuchel, ainsi que le jeune prodige Lance McCullers et sa balle courbe, et Charlie Morton, The Spin Master, qui est peut-être un des lanceurs qui a le plus de talent dans les ligues majeures, eh bien, seront là pour les compléter. Ce sera vraiment exceptionnel cette année de voir cette équipe-là lancer. Ils finiront premiers facilement, je crois, malgré que les Angels d'Anaheim, maintenant de Los Angeles, leur offriront quand même un peu de résistance. De Houston, on passe maintenant aux ex-champions de la Série mondiale, les Royals de Kansas City, qui en l'espace de 2 ans se sont complètement détruits en vendant la moitié, sinon plus, de leurs joueurs vedettes. Il nous reste le grand talent d'Alex Gordon qui se cherche de plus en plus. Est-ce qu'il est fini? Malheureusement, on espère que non, mais peut-être que les blessures et puis le temps auront eu raison de ce joueur d'exception. Il y a évidemment le receveur Salvador Perez, un superbe receveur costaud, solide, qui dirige bien ses lanceurs et retire les gens sur les buts. Lui aussi sera un peu perdu dans cette équipe qui ressemble beaucoup, de plus en plus, en tout cas, à un ramassis de joueurs. Et on pourra peut-être surveiller si Jorge Soler finira par nous montrer la puissance dont il est capable et deviendra peut-être sur le tard un joueur d'exception comme on en avait parlé auparavant chez les Cubs de Chicago. Le joueur à surveiller, ce sera Whit Merrifield, qu'on a vu exploser l'an dernier. Est-ce que c'était seulement un éclair de génie ou ça se poursuivra cette saison? En tout cas, il sera beau à voir. Lui qui possède un peu de puissance, de la vitesse et évidemment la capacité de frapper à tous les champs. Alors, Whit Merrifield à surveiller du côté des Royals de Kansas City. La rotation des partants, il n'y a rien nécessairement à regarder d'important de ce côté-là. Et la relève sera faite à partir de ce qui reste des échanges faits avec les Padres de San Diego, c'est-à-dire Brandon Morer et Ryan Butcher, et le vétéran Kelvin Herrera qui sera leur stoppeur cette année jusqu'à ce qu'on voit apparaître un problème à l'horizon. Il devrait finir dans les bas-fonds eux aussi. Disons qu'on va se partager les bas-fonds entre Kansas City, les White Sox et aussi l'équipe des Tigers de Détroit. Alors, entre les trois, on va se placer 3e, 4e et dernier assurément de la division centrale. Let's go! Il nous reste encore quelques équipes avant de terminer ce tour d'horizon de la Ligue américaine. Passons aux Angels de Los Angeles, probablement une des équipes les plus améliorées du baseball. Il y a eu toutes sortes de problèmes chez les Angels l'an passé, dont entre autres les blessures, le ralentissement incroyable de Albert Pujols, qui est toujours là pour plusieurs années et à plusieurs millions malheureusement. Mais on a travaillé très fort pour amener de nouveaux joueurs dans l'équipe et ce sont des acquisitions qui vont certainement avoir un gros impact sur la saison des Angels cette année. Tout d'abord, on a retenu les services de Justin Upton qui avait été là pour la fin de la saison dernière pour tenter d'aller vers les séries éliminatoires du côté des Angels. Eh bien, on sait que Justin Upton est un joueur à plusieurs facettes et surtout de la vitesse, beaucoup de puissance et un gant très respectable. Il y aura toujours Mike Trout, possiblement le meilleur joueur du baseball majeur. L'ajout de Zach Cozar, qui on le connaissait un petit peu moins, il vient de Cincinnati, mais c'est un très bon arrêt court et en plus il frappe. Et nous avons certains ajouts quand même respectables, comme celui de Ian Kinsler, alors beaucoup d'expérience au deuxième but et encore une défensive acceptable. Et évidemment, le meilleur joueur de défense du baseball majeur, Adreton Simmons, qui est tout simplement un magicien. On pourrait dire qu'il est peut-être même le meilleur joueur de défense de l'histoire du baseball. On a ajouté aussi le Shohei Ohtani, cette grande vedette qui nous vient du Japon et qui, justement, là, cette année, va tenter de répéter les mêmes exploits ici en Amérique du Nord. On attend beaucoup de Ohtani, surtout du côté du Monticule. On sait que c'est le premier joueur qui va tenter de jouer véritablement et en défensive et au bâton. Alors, il va être lanceur, parfois frappeur désigné. Il pourra même patrouiller le champ à la limite et on verra vraiment ce que ce phénomène pourra apporter à l'équipe. Évidemment, peut-être beaucoup de journalistes. Espérons que cette distraction ne sera pas trop grande pour permettre aux Angels d'arriver à leur objectif, c'est-à-dire les séries éliminatoires cette année. Je crois qu'ils ont d'excellentes chances. Ils devraient se classer bon deuxième et meilleure deuxième équipe de la Ligue américaine. Il est à noter que ce sera une équipe vraiment intéressante à voir et je crois que c'est peut-être une des belles équipes, sinon une des meilleures équipes lors des 10 dernières années à voir en défensive. Ce sera tout à fait magique. Les Twins du Minnesota l'an dernier nous ont bien surpris. Tout d'abord parce qu'ils ont offert une très chaude lutte toute l'année pour arriver à leur fin, c'est-à-dire les séries éliminatoires. Ils ont réussi à se tailler une place à la toute fin, in extremis, et malheureusement ont perdu leur match suicide contre les Yankees de New York. Cependant, on a bâti là-dessus et on en arrive cette année avec une très, très belle formation. Une formation intéressante parce que basée sur la jeunesse et l'ajout de quelques vétérans. On sait que l'électrisant Brian Buxton est à son meilleur maintenant. On l'a attendu pendant plusieurs années, mais là, il est fin prêt. Et des jeunes comme Max Kepler et Jorge Polanco, à qui on ajoute de très bons vétérans comme Brian Dozier et Joe Mauer, eh bien, on a une chance vraiment, encore une fois, dans la faible division centrale de la Ligue américaine, de faire les séries cette année. On a ajouté à José Berríos et bon, à l'époque, l'an dernier, le vieux Erwin Santana, eh bien, on a laissé tomber tout ça et on est maintenant avec un très bon lanceur qui nous vient de la Ligue nationale, Lance Lynn, qui a été signé spécialement pour essayer d'apporter un peu de profondeur à ce monticule. On ne le dira pas assez souvent, mais Lance Lynn est un des lanceurs de partant les plus réguliers, en tout cas depuis les 5 dernières années, s'il réussit à éviter évidemment les blessures. Du côté du monticule pour la relève, on aura Fernando Rodney qui sera encore là avec sa balle rapide et on tentera probablement de tenir le plus possible les équipes à un très bas pointage, puisqu'on ne sera pas non plus une équipe qui va amasser des points à la tonne. Alors je crois que les Twins devraient terminer donc bon deuxième facilement dans la division centrale. Cependant, ils auront une chaude lutte à faire pour rester le meilleur deuxième, surtout avec des équipes comme Boston peut-être et évidemment les Angels de Los Angeles qui, eux, vont vouloir absolument avoir accès aux séries cette année. Les Yankees maintenant, les fameux Yankees de New York que l'on adore détester, en tout cas du moins moi j'en fais mon sport national ou presque, ont ajouté cette année, comme à l'habitude, à grands coups de millions, un vétéran, disons un des meilleurs joueurs du baseball majeur, sinon le meilleur frappeur ou presque, Giancarlo Stanton, qui était auparavant chez Jeffrey Loria, qui lui a liquidé toute son équipe, comme il a l'habitude de le faire à toutes les 7 ou 8 ans. Et bien, Giancarlo Stanton se retrouve avec les prodiges comme Aaron Judge, évidemment le jeune Greg Bird et puis le receveur Gary Sanchez. Tout ça mis ensemble, eh bien, c'est un cocktail explosif. C'est vraiment une des équipes qui devrait marquer le plus de points dans le baseball. Et ils ont ajouté à, je dirais, leur arsenal des lanceurs de très bonne qualité. Ils iront cette année avec toujours Tanaka, Luis Severino, qu'on sait très bien être capable de grandes choses, et Sonny Gray, qui a un jour été un des bons lanceurs de la Ligue américaine. Pourra-t-il revenir à sa forme habituelle? C'est ce qu'on verra cette année. Et la relève, toujours une des grandes forces des Yankees, la meilleure relève du baseball, avec Aroldis Chapman, David Robertson, Dylan Betancy, Tommy Call et Chad Green. Ce sont des lanceurs qui pourraient tous être stoppeurs ou presque dans la grande majorité des équipes des ligues majeures. Alors les Yankees, cette année, vont finir premiers. Malheureusement, il va falloir s'y habituer. On achète les championnats du côté de New York à chaque année et ce sera encore le cas cette année. Ils auront quand même beaucoup de fil à retordre avec les Red Sox de Boston, comme ils ont à presque toutes les saisons, mais ils devraient finir bon premier. Je ne pense pas qu'il y a grand-chose à dire d'autre de ces Yankees. Les Athletics d'Oakland. Une équipe intéressante puisque, bon, détruite totalement par le fameux Moneyball, c'est-à-dire la structure que Billy Beane a implantée lors des années, début des années 90. Eh bien, maintenant, à force de vouloir systématiquement économiser, eh bien, on vend le talent et puis on ne fait plus grand-chose qui vaille. Mais on arrive à certains points, comme ici en 2018, avec une équipe qui pourrait respectablement nous montrer de belles choses et peut-être même aligner des victoires, qui sait, revenir à un seuil de respectabilité de 500. Ce ne sera pas facile dans la division ouest de la Ligue américaine, puisque les équipes qui y sont présentes sont des équipes très solides, une des divisions les mieux balancées du baseball. Et bien, cette année, avec des jeunes qui ont fait tranquillement leur place l'an passé, Matt Olson, on pourra parler aussi de Matt Chapman, on pourra parler des Matt et Matt. On a ajouté aussi beaucoup de profondeur au champ extérieur avec Stephen Piscotty, anciennement de Saint-Louis. Alors, tout ça mis ensemble pourrait nous apporter un peu de vitesse, aussi de bons frappeurs, autant de puissance et de moyenne. Et au monticule, on attendra les jeunes qui se développent tranquillement et qui pourront nous donner maintenant des saisons à la hauteur de leur talent. Kendall Graveman, Sean Manea, ainsi que Gerald Cotton sont là pour un bon bout, je l'espère, en tout cas pour eux. Et comme j'aime bien les voir lancer, je leur souhaite beaucoup de succès. On espère que la maturité, en tout cas cette année, fera une grande différence dans leur performance. Et au monticule pour la relève, on aura une chaise musicale peut-être, comme à l'habitude, de releveurs qui vont à tour de rôle s'échanger cette fameuse position de stopper, de closer, comme on dit. Et il y a peut-être une carte cachée intéressante de ce côté-là, puisque l'an passé, on avait mis en désespoir de cause, Yusmerio Petit comme stopper. Eh bien, cette année, il pourrait vraiment nous faire un Chris Devinsky, c'est-à-dire un lanceur qui peut être utilisé dans toutes les situations, qui va amasser autant des victoires que des sauvegardes et monter un total de retraits sur trois prises assez impressionnant en peu de manches. Eh bien, c'est un peu ça pour les Athletics d'Oakland. Je vais les laisser malgré tout cinquième dans l'Ouest, mais ça me peine beaucoup, car ils auraient probablement le talent d'aller un peu plus loin. Une des grandes déceptions dans le baseball l'année passée a été l'équipe des Mariners de Seattle, qui, on les voyait très très haut dans le classement, s'est effondré totalement. Pourtant, avec de bons vétérans comme Kyle Seager et puis Nelson Cruz, Robinson Cano, des vedettes qui ont déjà participé au match des étoiles, on pense avoir une bonne base. Et en ajoutant à tout ça, des jeunes comme Mitch Haniger, Ben Gamel qui est revenu un peu de ses cendres, tel le Phoenix, pour se redonner une deuxième chance dans la Ligue américaine. Et Jean Segura qui a été obtenu des Diamondbacks de l'Arizona précédemment. On a ici, en tout cas, à l'attaque et même en défensive, une équipe qui devrait être très, très respectable. Cependant, bien avec les blessures l'an dernier, un manque de cohésion, des problèmes au monticule, on n'a pas réussi à livrer cette fameuse marchandise. On a ajouté Dee Gordon cette année. On va le faire jouer au champ-centre. C'est peut-être la première fois qu'il jouera à la véritable position pour laquelle il est venu dans le baseball majeur. Quoi qu'on l'avait vu très régulièrement au deuxième but, Dee Gordon n'a jamais été une étoile en défensive. Et avec sa vitesse dans le moule, de Billy Hamilton et des autres champs-centres très rapides, eh bien, il pourra faire valoir sa vitesse et, avec un bon gant, au moins donner un peu de profondeur à cette position aux Mariners de Seattle. Au monticule, James Paxton, un des bons lanceurs des ligues majeures qui ne réussit jamais à finir une saison complète, pourra peut-être cette année faire mentir ses détracteurs et nous offrir une grande performance digne de ce nom. On sait qu'il est plein de talent, il a des balles dévastatrices, mais il ne réussit jamais à rester en santé. S'il le fait, eh bien, les Mariners de Seattle pourront peut-être aller un peu plus loin, ou au moins pourront certainement faire mieux que leur saison décevante de l'an dernier. Ils ont aussi Edwin Diaz au poste de stopper, qui est un des bons du baseball dans sa profession. Une balle rapide, assez électrisante et beaucoup de retrait au bâton. Je crois que Seattle pourra travailler le plus fort possible pour se maintenir dans les bonnes équipes de la division Ouest, mais ce ne sera pas assez pour finir dans les deux premières positions qui donneraient accès aux séries éliminatoires. Une belle équipe jeune dans les années précédentes fut toujours les Devil Rays de Tampa Bay. On se souviendra de leur ascension jusqu'à la Série mondiale, il y a de ça pas très longtemps, avec l'aide, entre autres, de leur joueur de concession, Evan Longoria. Eh bien, Longoria n'est plus là, il est maintenant à San Francisco. On a presque échangé tout le club, y compris Steven Souza et Logan Morrison, des joueurs qui avaient fait leur marque dans cette organisation-là. On arrive maintenant avec un club tout nouveau, avec le leader incontesté de cette formation, Kevin Kiermaier, le meilleur champ-centre du baseball, probablement un des deux meilleurs joueurs en défensive. Il est leader, certes, mais il n'a pas nécessairement le coup de bâton pour propulser cette équipe à de nouveaux sommets. Tampa Bay va se contenter cette année d'une cinquième place et ce sera très décevant pour les partisans qui ont vu partir de chez eux des joueurs de grand talent. Ça ne va pas aider non plus la concession, qui a toujours beaucoup de difficultés à boucler ses budgets et qui fait année après année les rumeurs de déménagement, entre autres vers Montréal, ou du moins un partage de calendrier entre la concession de la Floride et celle du Québec, éventuellement, si on peut réussir à revoir les expos ici à Montréal le plus tôt possible. On a quand même de beaux espoirs et surtout au monticule. On sait que Chris Archer est un lanceur électrisant, il a déjà fait sa marque, mais des lanceurs comme Blake Snell et Jake Faria ont un bel avenir dans les ligues majeures et je crois que cette année, il faudra les surveiller. Ils n'auront peut-être pas l'attaque pour les soutenir et avoir une tonne de victoires, mais ils feront certainement la pluie et le beau temps dans certains matchs où ils vont maîtriser l'équipe adverse. Ce sont vraiment des lanceurs à regarder. Alex Colomé, qui a été transformé de partant à stopper il y a de ça quelques saisons, est maintenant un des meilleurs aussi de sa profession et il est très beau aussi, lui, à avoir maîtrisé les frappeurs à la 9e manche. Malheureusement, on ne l'utilisera pas tant que ça puisque Tampa Bay aura de la difficulté à marquer des points et à mener dans ces fins de match-là pour remporter des victoires. Avant de terminer, il nous reste deux équipes pour notre tour d'horizon de la Ligue américaine et ce sont deux équipes assez intrigantes. Tout d'abord, celle des Rangers du Texas qui, sur papier, ont toujours une équipe qui semble vraiment faite pour accéder aux séries, encore une fois, mais qui, sur le terrain, ont beaucoup de difficultés à mettre en place tous les morceaux. On voit déjà avec la possibilité d'un alignement qui intègre Adrian Beltre, Elvis Andrus, Joey Gallo, Shin Shushu, Nomar Mazara, Delino de Child, eh bien, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités de profondeur, autant du côté de la vitesse, l'attaque pour ce qui est de la puissance et même de la moyenne au bâton. On aurait l'impression que c'est un excellent mélange de vétérans et de jeunes joueurs, mais il semble que, en tout cas l'an dernier, la sauce n'a pas vraiment pris, entre autres avec la saison très décevante de Rougnaud-Odor, qui, même s'il a été là pour un peu de puissance, n'a pas livré la marchandise et en défensive et pour la moyenne au bâton. Donc, un gros problème de constance du côté de Rougnaud-Odor, qui est pourtant un des maillons très forts de ce club-là. En tout cas, on l'avait vu lors de leur accession aux séries dans le passé. Les lanceurs restent toujours en quelque sorte énigmatiques pour les Rangers. Même lorsqu'on réussit à se rendre loin, on se pose toujours des questions. On sait que Cole Hamill est toujours là, qu'il est censé être sur ses derniers milles et il lance encore. Et puis, on pourrait même dire que ce n'est pas le pire de la formation. Il a même parfois certains succès. Mike Minor qui revient, mais vraiment de loin. Ensuite, Martin Perez, Matt Moore, Doug Fister. Alors, ce sont tous des lanceurs qui en sont presque à une deuxième vie dans le baseball majeur et ont réussi par le passé à traîner quelquefois Texas vers la victoire. Et même pour ce qui est des releveurs, on fera encore le tour avec des joueurs, des lanceurs qui ont eu des problèmes dans le passé, que ce soit Alex Claudio, Matt Bush, Keon Keller, Jake Dickerman. On n'a rien vraiment de très très solide et pourtant, comme à chaque année, on devrait marquer notre part de points et réussir à aller chercher presque 80 victoires pour une fiche de 500. Je crois que la bonne position pour les Rangers cette année, ce sera bon troisième dans la section avec une bataille pour cette place-là contre les Mariners de Seattle qui, eux, tenteront de faire mieux que leurs rivaux du Texas. La dernière équipe, mais non la moindre, celle que l'on voit le plus souvent à la télé et celle que certains partisans de Montréal ont fini par choisir comme leur équipe lors des cinq dernières années approximativement, eh bien, ce sont les Blue Jays de Toronto qui viennent faire un tour au stade très bientôt. Ils seront là pour faire revivre la fièvre du baseball en jouant deux matchs contre les Cardinals de Saint-Louis. Cette formation des Blue Jays qui a eu beaucoup de difficultés l'an dernier avec des ajouts un peu inutiles comme la signature de José Bautista à la fin de au début de la saison dernière qui a amené vraiment une des pire moyenne du baseball majeur. Il a été un des plus mauvais joueurs avec Albert Pujols dans le baseball l'an dernier. On sait que la blessure à Josh Donaldson a fait un mal terrible à cette équipe et aussi les difficultés qu'a eu Troy Tulowitzki, les blessures à Devon Travis n'ont jamais permis aux Blue Jays vraiment d'afficher leur véritable identité l'an dernier sur le terrain. Cette année, eh bien, on part un peu mieux, c'est-à-dire qu'on a résolu le problème des vétérans inutiles, ou presque, puisqu'on a encore dans nos rangs Troy Tulowitzki qui a vraiment commencé à ralentir, mais de beaucoup, surtout avec son contrat, je crois qu'il ne fait plus le poids, du moins côté qualité-prix. On a, par exemple, Steve Pierce, on traîne Edvardjanis Solarte, qui sont de bons joueurs, mais qui ne sont pas véritablement des joueurs réguliers. On a ajouté Randall Grichuk, et on a l'espoir que l'éclosion de Teoscar Hernandez soit pour cette année. Justin Smoke demeure un joueur à surveiller au premier but puisqu'il a eu la saison de sa carrière l'an passé. On pourrait s'attendre à une petite régression, mais il demeure le meilleur ou en tout cas un des meilleurs joueurs de premier but en défensive dans la Ligue américaine avec peut-être Mitch Moreland des Red Sox de Boston. Il y a le frappeur désigné, Kendrys Morales, qui va se contenter de frapper la balle approximativement bien et de produire quelques points encore cette année. C'est loin d'être le meilleur joueur pour cette position, mais lorsqu'il y en a très peu dans la Ligue qui sont incapables de jouer en défensive, eh bien, il faut les tenir à cette position comme frappeur désigné. Si eh bien la santé de Tulowitzki n'est pas acceptable, eh bien, on a ajouté Aledmi Diaz de Saint-Louis pour tenter de le remplacer et de combler à cette production offensive qu'offrait autrefois Tulowitzki. Au monticule, Marcus Stroman sera clairement la pièce maîtresse de cette rotation avec, comme à l'habitude, le défilement des J.A. Happ, Marco Estrada, Aaron Sanchez qui, non sans talent, devront compter sur une superbe direction, encore une fois, de Russell Martin qui est probablement encore un des bons receveurs pour diriger les lanceurs, même si son coup de bâton n'est plus du tout à la hauteur des ligues majeures. Concernant la relève, on a toujours Roberto Osuna qui sera là pour sauver les matchs et on a Dominique Leone qui est maintenant acquis des Cards de Saint-Louis, qui est capable aussi de faire le travail si jamais Osuna ne réussit pas ou il peut y avoir évidemment des blessures en cours d'année. Les Blue Jays vont finir avant-dernier dans la section. Ils ne réussiront probablement pas à jouer pour 500, mais avec une équipe de Tampa Bay tellement affaiblie, je crois qu'ils vont éviter la cave de la division cette année. Et voilà, c'est déjà tout pour ce premier Basecall de la saison 2018. On se retrouve au prochain pour l'analyse des forces en présence dans la Ligue nationale. Et évidemment, un petit résumé de ce que vous devriez considérer pour votre pool de 2018. La saison s'en vient et certains ont déjà sélectionné, mais d'autres se préparent. Alors, à très bientôt et dans deux semaines, tout le monde, pour un prochain Basecall.